et les États-Unis et leurs contradictions toute la semaine. Et aujourd'hui, on va parler guerre de l'information, diplomatie culturelle. On dit maintenant diplomatie publique. Les États-Unis et leurs contradictions, les stratégies d'influence de Washington. The President of the United States. Fantastique arrivée en pleine nuit au Congrès américain, Ronald Reagan ovationné debout par tous les députés et sénateurs réunis. C'était la fin du jour le plus long pour le président américain. Quelques heures auparavant, il était encore à Bruxelles, au quartier général de l'OTAN avec ses alliés, pour rendre compte du sommet de Genève. Il a ensuite souligné que sa rencontre avec le numéro 1 soviétique a été plutôt un succès. Le président américain ajoutant même, je cite, « Je pense être devenu très ami avec Mikhail Gorbatchev ». La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. 1985, une époque où le président des États-Unis pouvait être à la fois applaudi par ses alliés de l'OTAN et par tous les représentants et les sénateurs au Congrès. Donald Trump, bientôt son discours sur l'état de l'Union, autre climat. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Reagan, il a face à Gorbatchev opéré une montée en puissance des armements, mais il disait aussi le mur des idées. La stratégie d'influence intellectuelle, culturelle, c'est très important, c'est aussi important que les questions d'armement. Alors, les stratégies d'influence, c'est notre thème avec vous. Maud Kessard, bonjour. Bonjour, Jean Lebrun. Alors, vous avez un fils qui pense que vous êtes à l'INSERM et qui dit, pour une biologiste, maman, tu parles bien des États-Unis. Absolument, absolument. Mais là, je vais vous parler peut-être d'un peu de Ronald Reagan, donc de cet animal politique. Oui, mais vous êtes vraiment à l'INSERM? Non, je suis à l'IRSEM, à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui travaille donc à la jonction du monde militaire et du monde universitaire et qui a pour mission de rendre accessible et compréhensible l'ensemble des enjeux de sécurité auxquels le monde est confronté. C'est-à-dire, je parle comme votre fils encore, maman, t'es un peu hybride, alors tu t'occupes d'armement et tu t'occupes de diplomatie, d'influence? Alors, je suis un peu hybride parce que je m'occupe d'enjeux diplomatiques et d'enjeux de sécurité et de défense. Mais vous me direz qu'en France, avant même la création de l'Institut de Recherche de l'École Militaire, on a une très vieille tradition de présence diplomatique, de présence culturelle, par exemple. Conseiller culturel aux États-Unis, c'est un métier qui date de la plus haute antiquité. Absolument. La France a un réseau très large aussi d'alliances françaises de par le monde qui nous a été envié pendant très longtemps et qui fait partie des stratégies d'influence culturelle de la France dans le monde. Et ça a été aussi une source d'inspiration pour certains de ses alliés, comme le grand allié américain. Mais nous, c'est la diplomatie culturelle. Et vous, vous avez fait votre thèse, vous en avez fait un livre aux presses universitaires de Rennes sur la diplomatie publique. Absolument. Des États-Unis. Quelle est la différence, maman? Alors, les Américains aiment toujours largement se différencier du reste de leurs petits camarades, et puis surtout, je dirais, de la vieille Europe, et de ce que le Goethe-Institut ou les alliances françaises ont pu faire, donc avant-guerre. Les Américains, eux, ont des pratiques qui allient à la fois des programmes d'information et des programmes culturels, et de ces deux facettes, en fait, ils en font un concept qui s'appelle la diplomatie publique, et qui est formulé pour la première fois en 1965, alors que les pratiques qui sont liées à la diplomatie culturelle naissent, elles, plutôt juste après la Seconde Guerre mondiale et prennent de l'ampleur pendant la guerre froide. Alors, pendant la guerre froide, ça va être le point de départ de notre entretien, Maud Kessard. Si on prend l'Europe, c'est quand même un pôle important de la stratégie d'influence américaine. Il y a des zones en crise, fragiles. L'Allemagne, s'il y a une attaque soviétique, ça va être le bouclier. La France, qui va être la zone d'arrière-garde, la base logistique, s'il y a attaque des États-Unis, sur laquelle il faut donc opérer un peu par priorité. Oui, il y a pour les Américains, à cette époque-là, des pays dits de la zone critique. Ce sont ces pays qui sont toujours en Europe occidentale, mais qui pourraient basculer aussi du mauvais côté de la force, si je puis m'exprimer ainsi et faire une allusion à l'Empire du Mal de Reagan, parce qu'ils ont sur leur territoire, en fait, des forces politiques ambivalentes. À l'époque, c'est beaucoup aussi de partisans et de partis communistes, surtout en Italie et en France, et c'est ce qui inquiète les Américains. Les stratégies d'influence aux États-Unis, ça passe par du financement public, ça passe aussi, tout aussi bien, par du financement privé. On va prendre un exemple, la fondation Fulbright, du nom d'un sénateur qui distribuait des bourses dans les deux sens, France-États-Unis, États-Unis-France, 1947, c'est un reportage dialogué, un peu dramatisé, du ministère de l'Agriculture à Paris. Une organisation franco-américaine, la commission Fulbright, du nom du sénateur américain, qui eut l'idée d'utiliser les fonds provenant de la vente des surplus militaires pour des échanges d'étudiants et de professeurs. Excuse me, sir, may I see you for a minute, please? Why, of course. Come in, Paul, come in. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas que ça ne va pas, monsieur, c'est simplement que je ne peux pas m'habituer à Paris, voilà tout. Allons, Forbes. Tenez, nous avons reçu un rapport d'une jeune étudiante française peu après son arrivée aux États-Unis. Lisez-le, ça vous fera du bien. Je dois dire que je suis affolée par les États-Unis. New York me fait l'effet d'une ville abrutissante. Tout y est énorme, les gratte-ciel, les foules. Pour tout dire, je me sens dépaysée. Quand je pense qu'il va falloir vivre là-dedans pendant un an. Et maintenant, permettez-moi de vous lire ce que la même étudiante nous écrivait à la fin de l'année. Pour conclure, je veux dire à la commission Fulbright toute ma gratitude pour cette année merveilleuse. Alors, vous voyez, Forbes, il ne faut pas vous démoraliser si vite. Vous verrez, vous aussi vous aimerez la France. Alors l'étudiant américain à Paris, l'étudiante française à New York, ils vont se familiariser avec le pays d'accueil et ils vont constituer, dites-vous, Maud Kessard, la communauté active des anciens de Fulbright. Et alors, tous les spécialistes des États-Unis d'un certain âge qu'on reçoit sur les antennes, je vois en note de bas de page leur nom, ils sont tous de la fondation Fulbright. Alors, il y a beaucoup, effectivement, d'universitaires français qui constituent la communauté des études américaines en France, qui ont bénéficié, effectivement, de bourses Fulbright, et surtout dans la période donc des années 60. C'est la fondation Fulbright qui aide aussi à fonder les études américaines en France, et l'extrait que vous montrez est particulièrement... qu'on a pu écouter est particulièrement intéressant parce qu'on comprend tout ce qu'il y a à l'œuvre dans la stratégie du sénateur Fulbright, faire venir sur le territoire américain personnalités qui potentiellement pourraient avoir une influence par la suite, que ce soit des étudiants qu'on a remarqués ou bien des personnalités qui ont peut-être aussi déjà des idées politiques intéressantes et leur montrer que les États-Unis, ce n'est pas forcément les idées reçues que l'on peut avoir en Europe. Mais c'est de l'irrigation de longue durée, c'est pas un bombardement de propagande. Absolument, c'est ce qu'on appelle les stratégies de long terme, qui sont des stratégies tout à fait soft, des stratégies qu'on pourrait appeler aussi des opérations blanches, qui ont pour but de conquérir les cœurs et les esprits, mais sur le long terme. Et donc, à ces programmes Fulbright s'ajoutent aussi d'autres programmes plus ciblés comme le Young Leader Program ou l'International Visitor Program dans les années 80 et qui, eux, vont cibler pas seulement les milieux universitaires mais aussi les milieux politiques européens au sens large. Donc ça peut aller aussi bien de journalistes qui ont ici encore des émissions à France Inter jusqu'à... Parce qu'on a sur eux des fiches absolument. À Washington. Jusqu'à Gerhard Schröder aussi. Là je fais un bond en avant. Ouais. Sous l'administration Obama, on va aussi distribuer des voyages aux États-Unis à des jeunes de la diversité des quartiers populaires français. Absolument, ça fait partie des programmes de la diplomatie publique américaine qui sont financés par le département d'État. Mais je reviens aux années de la guerre froide. Le Congrès pour la liberté de la culture, il cherche en France et dans d'autres pays d'Europe à contrer l'influence des intellectuels qui sont assez sensibles au parti communiste ou au marxisme. Mais le Congrès pour la liberté de la culture, comme son nom l'indique, veut garder son autonomie par rapport aux États-Unis. Et puis, son programme est vaste et peut-être pas susceptible de séduction comme le programme communiste. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Le Congrès pour la liberté de la culture s'est réuni la semaine dernière à Paris. issue du congrès qui s'était tenu à Berlin en juin 1950, cet organisme a maintenant des secrétariats établis à Paris, Francfort, Berlin, New York et Londres. Il est en liaison avec un mouvement parallèle formé à New Delhi. Le Congrès pour la liberté de la culture se propose de lutter contre le totalitarisme sous toutes ses formes. Mais pour les hommes d'aujourd'hui, étreints pour la plupart par le poids de la misère et la peur de la guerre, la liberté est-elle encore une notion valable ? La liberté peut-elle encore susciter, comme jadis, comme naguère, l'enthousiasme ou la colère populaire ? C'est ce que nous demandons à quelques-uns des protagonistes de ce congrès. Raymond Aron, quand nous avons fondé ce mouvement, nous nous sommes naturellement posé la question. Est-il encore de bon ton de se réclamer aujourd'hui de la liberté ? Ou peut-être plus précisément, a-t-on une chance de séduire les masses en parlant de la liberté de la culture ? Archives 1951, et puis je ne serai pas infidèle à Raymond Aron si je prolonge son propos avec un mot du genre « La démocratie, c'est ennuyeux et c'est pas séduisant ». Alors c'est tout l'enjeu en fait de ce que cristallise le Congrès pour la liberté de la culture, c'est comment les intellectuels peuvent rendre attractif la liberté et rendre le totalitarisme complètement repoussant, ce qui peut paraître assez manichéen comme vision, mais qui est au cœur en fait des discussions de l'ensemble de ces intellectuels venus de l'Europe entière, comme c'est rappelé dans le document, qui se réunissent pour essayer de promouvoir aussi la créativité intellectuelle, littéraire, artistique, sous toutes ses formes, et pour montrer que finalement le corps occidental a des valeurs à promouvoir et à soutenir qui sont beaucoup plus soutenable et meilleur pour la démocratie qu'ils défendent, parce que derrière, il y a une visée idéologique. C'est bien toute l'idée de cette confrontation Est-Ouest, ou soviétique contre le camp américain. Les Américains iront même jusqu'à inventer un concept qu'ils appellent le capitalisme du peuple, qui devrait être particulièrement attractif. Quant à Raymond Aron, lui, il parle de ce grand schisme qui existe à ce moment-là, qui est idéologique, et il explique qu'il faut avoir des moyens détournés pour donc s'assurer du bon maintien des démocraties occidentales, puisqu'on est dans une période où la paix est sans doute impossible, mais la guerre est totalement improbable. 1953, le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower, prend ses fonctions à Washington pendant que Staline va disparaître à Moscou. C'est le moment de donner du nerf, de la rationalité, de l'argent, du centralisme à cette politique d'influence, et c'est la création d'une agence dont vous faites l'analyse dans votre livre sur la diplomatie publique des États-Unis tout au long des 300 pages que compte le livre. 53, l'agence. Alors en 53, en fait, donc Eisenhower est élu, et le général Eisenhower, qui est donc un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, a une chose en tête pour gagner la guerre froide, de la même manière qu'il a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut mettre au cœur de sa stratégie, c'est ce qu'il appelle le P-factor, c'est le facteur psychologique, le fait de pouvoir conquérir les cœurs et les esprits. Et pour cela, il est bien conscient que cette bataille idéologique dont on vient de parler est largement engagée, et qu'elle ne sera gagnée que si on se donne des moyens concret, actif, de l'engager. C'est pour ça qu'il crée une agence paragouvernementale qui s'appelle l'Agence d'information des États-Unis, qui n'est pas la CIA, donc c'est pas une agence de renseignement, et qui a pour but de vendre l'Amérique au monde, à l'étranger, pas sur le territoire national, en créant ce qu'on appelle aujourd'hui un narratif américain qui soit vendeur et attractif pour l'ensemble donc des populations étrangères, avec en ligne de mire bien sûr l'Europe et la fameuse zone critique qu'on évoquait tout à l'heure. Illustration par la tournée en 1954 de Porgy and Guest de Ellen Best de George Gershwin, qui veut montrer que les États-Unis ne sont pas un pays esclavagiste. Mais alors attention, on va entendre Clark Terry dans un morceau de solo trompette. Ne confondons pas diplomatie culturelle et diplomatie public, ne confondons pas travail d'attraction culturelle et travail d'influence stratégique. Porgy and Bess. Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les stratégies d'influence des États-Unis avec Maud Kessar, après Ike, Eisenhower, le président Kennedy. Alors, vous nous parliez d'une agence d'information avec le président Kennedy d'une part et Madame Kennedy d'autre part. Il n'y a même plus besoin d'agence d'information. Le couple suffit. Alors, sans doute, quand les Kennedy viennent à Paris donc rencontrer le général de Gaulle, effectivement, Jackie Kennedy, pour séduire les masses, a un impact très important. Mais cet impact-là, il n'est pas orchestré par la seule personnalité de la Première Dame. Il est aussi largement soutenu par l'agence d'information des États-Unis, qui devient une agence de communication telle qu'on pourrait se la représenter aujourd'hui. Et à l'époque, le directeur de l'agence d'information des États-Unis, c'est Charles Wick, quelqu'un qui vient du monde des médias, puisqu'il était journaliste chez CBS à l'époque. Et c'est lui aussi qui va faire en sorte que l'histoire du président Kennedy soit attractive, non seulement pour les populations du bloc de l'Ouest, avec une femme assez, un couple assez glamour, et puis aussi une tradition de héros de guerre qu'il n'hésite pas donc à mettre en feuilleton sous la forme de BD qui seront diffusés dans toute l'Europe de l'Est et traduits bien sûr dans toutes les langues qui seront ciblées par cette campagne d'information. Mais quand on fait la comparaison avec le couple Khrouchtchev-Nina Khrouchtcheva, elle est quand même habillée n'importe comment, elle a une sorte de bonnet sur la tête, et lui il est un peu pâteau, puis alors carrément quand il tape avec sa chaussure sur son pupitre à l'ONU, il paraît grossier et vulgaire. Alors je dirais qu'on est dans un monde à l'époque qui est quand même un petit peu moins médiatisé, et surtout l'image circule beaucoup moins bien dans l'ensemble des zones que l'on évoquait donc en Europe. Et puis on a peut-être un biais un petit peu français aussi quand on dit ça, et quand on parle de l'élégance de Jackie Kennedy qui bien sûr s'habillait chez les couturiers français, donc ce qui n'était pas sans déplaire à la presse française à l'époque, qui était large, qui travaillait de concert avec les médias américains. Alors, on a parlé stratégie sur l'influence sur les élites à long terme, on a parlé stratégie culturelle, et la guerre de l'information. Alors, il y avait ces radios Voice of America, Radio Free Europe, destinées à l'extérieur, qui n'étaient pas entendues aux États-Unis. Absolument. Aux États-Unis, la propagande est interdite par la Constitution, donc il ne s'agit pas d'avoir des médias, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias d'État, comme la Voix de l'Amérique héritée de la Seconde Guerre mondiale, ou Radio Free Europe et Radio Liberty, qui avaient des émissions qui étaient destinées exclusivement aux populations du bloc de l'Est et la Russie. Il n'était pas question que ces émissions soient destinées aux populations américaines. Alors, bien sûr, il faut distinguer ces deux types de radios, parce que Voice of America travaille sous l'égide de USIA, donc de l'Agence d'information des États-Unis, et Radio Free Europe et Radio Liberty émettent depuis Berlin. Ils sont financés par la CIA jusqu'en 1967. Et leur particularité, c'est qu'elles accueillent dans leurs émissions des dissidents du bloc de l'Est qui vont trouver une voie et la possibilité, en fait, de diffuser leur message de dissidence en utilisant ces radios dites libres. Un zénith pour les stratégies d'influence est connu au moment de l'affaire de la présidence du double mandat de Ronald Reagan, qui d'ailleurs promeut Charles Wick, dont vous nous parliez tout à l'heure. Mais il ne faut pas imaginer la guerre de l'information telle que Reagan et Charles Wick la mènent comme une guerre front contre front, parce que les rencontres avec Gorbatchev commencent, l'URSS fléchit, et on essaye d'organiser même des dialogues médiatiques entre les deux chefs. Absolument. Alors les dialogues médiatiques qui viendront à partir du moment où Gorbatchev arrive sur la scène internationale, donc à la moitié des années 80. Mais ce qui est très intéressant pour la période Reagan-Wick, c'est que cette période-là, elle correspond aussi à une révolution technologique et une révolution de l'information. Parce que dans le domaine des médias, on passe de l'ère radiophonique qu'on vient d'évoquer à l'ère télévisuelle. Et ça va devenir un atout particulièrement important des stratégies d'influence américaines, puisque c'est l'époque où CNN va naître aussi. Et Charles Wick et Reagan, eux, vont développer des émissions qu'ils vont diffuser par satellite, ce qui leur permettra d'atteindre, en fait, leur cible, les populations du bloc de l'Est, qui pourront, en fait, avoir accès à l'information, à l'entertainment américain depuis leur foyer. La seule source qu'on ait trouvée dans les annales de l'INA, de Charles Wick, correspond à cette stratégie telle que vous la définissez. Nous sommes en 1987 à Cannes, au MIDEM. Charles Wick a été nommé en 81 par le président Reagan à la tête de l'Agence pour l'information des États-Unis. En 85, il crée le réseau de télévision WorldNet, dont l'objectif est de diffuser à l'étranger des programmes culturels et d'information du gouvernement américain. L'augmentation du nombre d'heures de diffusion fait partie de notre plan plus général de faire progresser nos programmes autour du monde. Et nous nous préparons maintenant pour une diffusion future de 24 heures sur 24 avec un réseau qui couvrira la planète. Absolument. La particularité de Charles Wick, c'est que c'est quelqu'un qui vient au MIDEM de Cannes aussi parce qu'il vient d'Hollywood et que, avant d'être un proche conseiller donc du président Reagan, c'est un producteur hollywoodien. Et c'est parce qu'il connaît très bien le monde des médias et de l'entertainment qu'il arrive à vendre cette image de l'Amérique à l'étranger. Alors que, donc, une image plutôt attractive, puisqu'il commencera sa première émission attractive. Elle s'appelle Let Poland Be Poland, qui est un show télévisé et qui a pour but, finalement, de lever des fonds pour aider les Polonais à une période où il y a un craquellement très important qui s'opère en Pologne. Et puis, il arrive assez magistralement avec le président, qui est son grand ami, à associer entertainment et fin du containment avec une stratégie de ce qu'on appelle le rollback, comme on le disait sous Eisenhower, c'est-à-dire une stratégie plus musclée, plus offensive de lutte contre... La croisade, quoi. Une croisade, tout à fait. Mais vous dites c'est un producteur de Hollywood, il met même de son argent dans les programmes qu'il organise, parce qu'il y a toujours cette idée aux États-Unis du croisement financement public, financement privé. C'est vrai pour Wick parce qu'il vient du monde hollywoodien et que ça a été un grand bailleur de fonds de la campagne de Reagan, mais sa grande qualité aussi, c'est qu'il est capable d'aller chercher des fonds au Congrès, parce que rien ne se fait aux États-Unis si on, notamment en termes de financement public et d'opérations à l'extérieur, si on n'a pas l'aval du Congrès et qu'on n'arrive pas à convaincre les sénateurs et les députés de voter des budgets qui pourront soutenir ce genre de campagne. Il faut être surtout les fronts, et Charles Wick dit Ronald Reagan un jour, mais pourrait peut-être publier des anthologies d'histoires drôles, anticommunistes. On a su le faire avant, il n'y avait pas besoin de l'agence d'information des États-Unis, quand Philippe Meyer a publié à la fin des années 70 « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?» Alors c'est un recueil qu'avec un sérieux imperturbable, France Culture et une jeune de nos consoeurs présentaient à ce moment-là. Leur Adler, un petit livre d'un ton nouveau sur les démocraties populaires. Le communisme est-il soluble dans l'alcool? C'est une anthologie de bonnes histoires, c'est ça? Oui, avec en guise de préface une phrase du dissident Vladimir Bukovsky. S'il y a environ 200 histoires dans ce livre, sa rédaction et sa lecture représenteraient en Union soviétique environ 600 ans de camp à raison de 3 ans par histoire. Mmh. Et alors nous n'avons pas le plaisir d'écouter beaucoup d'histoires parce que le temps nous est compté, mais quelle est l'histoire la plus courte? Le socialisme. Et l'histoire la plus longue? Le chemin vers le socialisme. Alors quelle est l'histoire la plus anti-stalinienne? Après la mort de Staline, le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique se réunit nuitamment et Molotov, blême, annonça la nouvelle aux camarades présents. Passé le premier instant de stupeur, la salle reste dans un silence effrayé, un instant troublé par le murmure d'une voix anonyme. Mais qui va oser aller le lui dire ? L'histoire la plus drôle. Alors l'histoire la plus drôle, après de longues études, on a pu établir de façon définitive qu'Adam et Ève étaient soviétiques, et cela pour deux raisons. Premièrement, ils vivaient au paradis. Deuxièmement, ils n'avaient rien à se mettre. Laura Adler, 1978. Je peux reprendre le rôle de votre fils, Maud Kessar? Absolument. Maman, puisque t'es à l'INSERM, à l'IRSEM, le centre de recherche de l'école militaire, tu peux nous raconter une histoire drôle? Alors une histoire drôle, Reagan en avait plein, il avait l'humour chevillé au corps et lui, ce qu'il préoccupait beaucoup, c'était la question de l'approvisionnement en fait des magasins en en Union soviétique à l'époque et c'était absolument pas drôle, mais il se... Mais si, on peut en faire une histoire drôle. Votre frigo est vide. Il en riait beaucoup avec Charles Frigo, Wick. Votre frigo est vide. Ouais, il y a des queues partout, les produits augmentent. Que faire? Ben, vous le branchez sur la radio soviétique. Alors, on peut le brancher sur la radio soviétique, mais attention à ne pas faire de blagues dans la queue, car on risque de se prendre une balle perdue. Si parce que quels sont les droits d'auteur des humoristes en Union soviétique? Ben, selon la qualité de l'histoire, 3 ans ou la perpétuité. Ouais. Dites-moi, on est dans un tout autre monde maintenant. Vous êtes dans l'étude du 21e siècle, Maud Kessar. Si on passe au président Obama... Vous expliquez qu'on est plutôt avec lui dans le soft power largement privatisé que dans la stratégie d'influence telle qu'elle avait été organisée auparavant. Sous Obama, on est d'abord Obama, c'est l'héritier de l'ère Bush et de toute une période où le leadership américain et l'image des États-Unis a été fortement écorné par les deux conflits et bourbiers que représentent l'Irak et l'Afghanistan. Donc ces conflits forcément ont largement entamé l'image des États-Unis à l'étranger. Pour arriver à la restaurer, il faut pouvoir aussi restaurer un appareil de diplomatie publique qui soit à la hauteur de ce qu'on a essayé d'expliquer sur la période du XXe siècle et de guerre froide. Donc oui, c'est important de créer des partenariats avec des grands groupes privés comme les GAFAM qui vont permettre aussi de redorer l'image des États-Unis à l'étranger et surtout d'aller sur un terrain qui est particulièrement important au XXIe siècle, c'est l'idée de promouvoir la liberté d'Internet, car là encore, même si on n'est plus dans la période de guerre froide, il y a quand même toujours une lutte entre État démocratique, démocratie pluraliste et État totalitaire, Chine, Iran, qui ont des systèmes Internet fermés. Mais Obama, il présentait un visage aimable. On se souvient, il y a 10 ans précisément, de son discours au monde arabe. Mais nous sommes vos amis, disait-il, au Caire. Oui. Trump ne préoccupe pas d'avoir un visage aimable. Alors effectivement, la grande particularité du président Trump par rapport à tous les présidents qu'on a évoqués, et Reagan en particulier, donc ils n'ont rien à voir, je tiens à le préciser, c'est que le président Trump ne se soucie pas du narratif national, c'est-à-dire de l'histoire des États-Unis qu'il voudrait vendre à l'extérieur et qu'il voudrait vendre au monde. Lui, il ne se soucie pas de diplomatie publique, il se soucie de vendre son image à la population américaine, et c'est ça son objectif premier, et particulièrement en 2020. Parce que la stratégie, c'était people to people, un peuple parle à d'autres pour les attirer. Maintenant, c'est people contre people. Alors, ça devrait toujours... Il faut distinguer la personnalité du président des États-Unis actuel et ce qui est toujours à l'œuvre pour l'ensemble des responsables politiques et militaires américains qui ont toujours en tête une diplomatie publique qui voudrait s'adresser directement aux populations étrangères. Et donc, c'est toujours de la people-to-people diplomacy. Alors, c'est beaucoup mieux dit que je vais essayer de le faire. Merci à vous, Maud Kessar. La diplomatie publique des États-Unis, votre livre au Presse universitaire de Rennes. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Ninka Negulesco. Franck Olivard, Pauline Laverdure à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.